Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Les Cacatombes, le 8e épisode de la saison 2 d'Un été incroyable. Bonne écoute. En descendant les escaliers, j'avais encore la tête dans mon rêve. Il faut dire que faire la course avec des étoiles filantes à bord d'un bateau pirate, ça n'arrivait pas toutes les nuits. Ilias était déjà en bas, il préparait son petit déjeuner. Une délicieuse odeur de viennoiserie se mêlant à celle du chocolat chaud et d'orange fraîchement pressée m'accueillit. « Coucou, Ilias. Ah, tiens, mamie n'est pas là ?»« Je sais pas, je viens de me lever et j'ai pas encore ouvert. »« Je suis là, mes poussins. »« Où ça ?»« Au cabinet. Je suis pas prête de sortir. »« T'es malade ?»« C'est rien de le dire. »« Tu veux qu'on appelle un médecin ?»« Je veux bien. Le numéro du docteur est dans le carnet à côté du téléphone. » On tomba sur son répondeur. Il était en visite médicale. Il fallait laisser un message ou l'appeler sur son portable s'il y avait urgence. Je demandai à mamie si c'en était une. « Ça devrait bien finir par passer. Enfin, j'espère. Si rien ne change, on rappellera. »« Tu crois que c'est à cause des macaronis au cheddar d'hier soir ?»« Ben non, on n'est pas malade, nous. En attendant, moi j'ai faim. »« Tu veux un pain au chocolat ?»« Ah ouais !» J'allais croquer dedans à pleines dents quand Arthur surgit à la fenêtre. J'eus si peur que ma viennoiserie s'envolât avant de retomber sur le carrelage. Totalement paniqué, Arthur agitait ses bras dans tous les sens. L'excitation l'empêchait de décrocher le moindre mot. Je lui fis signe d'entrer. 10 secondes plus tard, il déboula dans la cuisine, plus essoufflé que s'il venait de terminer un marathon. C'est l'hécatombe dans le village. C'est même l'hécatombe. Arthur, il est encore tôt, là. Qu'est-ce que tu racontes ? Ce matin, je sors de chez moi pour essayer d'apercevoir un korrigan des prés. Vous savez bien qu'ils apparaissent sur les pissenlits entre 7h31 et 7h32, tous les mercredis d'avant-veille de pleine lune. Évidemment. Bon, eh bien, qu'est-ce que je croise dans les rues ? Personne. En même temps, il est tôt, non ? Oui, mais non. Il y a toujours un ou deux vieux lève-tôt, des joggeurs et des promeneurs de chiens. Mais là, pas un chat. Enfin, si je croise une petite troupe de gens devant la pharmacie, ils étaient tous super mal en point. Comment ça ? Ils avaient des têtes de poireaux moisis. Leur ventre leur faisait un mal de chien. Pire, ils n'arrêtaient pas de faire des allers-retours en hyper vitesse aux toilettes publiques juste à côté. Comme mamie. Comment ? Tout un village peut-il être malade ? Une malédiction ? Ou autre chose. En tout cas, il faut tirer cette affaire au clair. Et mamie ? Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez-y ! On enfourcha nos vélos direction le village. S'il n'y avait pas eu un grand ciel bleu, il aurait pu servir de décor à un film de fin du monde. Hormis les cris des mouettes et les sirènes d'une ambulance lointaine, il n'y avait pas de bruit et pas âme qui vive. On s'arrêta au stop, à un carrefour. Une silhouette à la fenêtre de la boulangerie attira mon attention. Elle semblait nous observer. Je m'avançai vers elle pour en être sûre, mais l'ombre disparut derrière les rideaux. On n'est pas venu pour acheter du pain, Lana. En plus, la boulangerie est fermée. C'est justement ça qui est bizarre. Pourquoi est-elle fermée à cette heure de la journée ? En même temps, je vois rien d'ouvert. Peut-être que la boulangère aussi est malade. Alors, qui était l'ombre que j'ai vue ? Ton imagination. Emilia est une force de la nature. Jamais elle ne tomberait malade. Venez. Arthur nous fit faire le tour du bâtiment. Derrière se trouvait une petite cour abritée où étaient entassés des sacs de farine. La porte arrière était close. Mais une lucarne était restée entrouverte. On entendait quelqu'un bouger à l'intérieur. « Emilia, c'est moi, Arthur. Je sais que tu es là. Lana t'a vu. »« Désolée, mais Emilia est partie en voyage. »« Tu crois qu'on va gober ça ? C'est reconnu. » La tête d'une femme, penaude, aux joues rebondies, apparut à travers la lucarne. « Pourquoi tu te caches ? » ?»« J'ai si honte. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai honte. » Si vous nous expliquez, on pourra peut-être vous aider. Rien de moins sûr. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre ? Comme tous les matins, je me suis levée à 4 heures, j'ai pétri, pesé, façonné, enfourné mes viennoiseries, mes baguettes et mes pains, et j'ai tout fait exactement comme d'habitude. Ça ne nous explique pas pourquoi vous vous cachez. Parce que depuis des heures, mes clients m'appellent Furax, et ils ont raison. Mais pourquoi ça? Parce qu'ils ne peuvent plus quitter leur toilette. Ils sont tous victimes d'une diarrhée carabinée. Bah, c'est peut-être pas à cause de vous. Si seulement. Sauf qu'ils me l'ont tous dit. Juste après avoir croqué dans l'un de mes délices boulangers, ils ont filé direct au cabinet. Oh, je suis fichue. Mais non, Emilia, tu y es pour rien. Sauf que tout m'accuse, et que je n'ai rien pour prouver le contraire. Et vous n'avez rien constaté d'étrange ce matin? Si. Vers 4h30, j'ai reçu un coup de fil bizarre. On m'avertissait qu'une boulangerie mobile s'installait sur la place du village. Je suis allée voir furieuse et j'ai constaté que c'était une mauvaise blague. Franchement, les gens n'ont que ça à faire. Et si c'était une diversion pour empoisonner vos ingrédients? Mais qui oserait faire une chose pareille? Aucune idée, mais on va enquêter. Merci, les enfants. Sauf qu'on n'avait aucune idée de par où continuer notre investigation. Les méninges en ébullition, on marchait vers la place du village, lorsqu'on aperçut le chef des Roitelets, seul, se frottant les mains, avec un sale air satisfait. Ces deux saucisses de compagnie l'ont quitté? Impossible, ils sont inséparables. Quelque chose me dit qu'il est derrière tout ça. Même si j'avais envie de lui sauter dessus, on avança vers lui comme si de rien n'était. Cette saucisse se trahit avant même d'ouvrir la bouche, en nous tendant un sachet de viennoiserie de chez Emilia. Salut vous trois. Vous vous laisserez bien tenter par une petite gourmandise de chez Emilia, non? Pour passer le reste de la journée aux toilettes? Non merci. T'es intolérante aux viennoiseries? C'est vraiment pas de chance. Et vous les gars? Si elles sont si bonnes, pourquoi tu les gardes pas pour toi? Parce que je suis du genre généreux. Si t'en as mangé, pourquoi t'es pas malade comme tout le monde? Eh, pourquoi je serais malade? Parce que tous ceux qui ont mangé ces viennoiseries sont tous tombés gravement malades, même mamie. Il doit avoir l'estomac fragile. À moins que tu les aies tous empoisonnés. Quoi? Moi, mais j'ai rien fait. Ah ouais, et pourtant les caméras de la boulangerie disent le contraire. Qu'est-ce que tu racontes? À l'heure qu'il est, Emilia doit déjà être à la gendarmerie en train de leur montrer tout ça. Même que c'est pour ça que la boulangerie est fermée. N'importe quoi. Tu vas te retrouver derrière les barreaux, face de crapaud. Bon, allez, salut. On traîne pas avec des criminels, nous. Attendez! Le poisson avait mordu à l'hameçon. Et vu son regard catastrophé, il avait même gobé toute la canne à pêche. C'est vrai, je suis coupable. J'ai appelé Emilia pour lui dire qu'elle avait un concurrent, ça l'a mis hors d'elle, et elle a filé en oubliant de bien fermer sa boutique. Je m'y suis faufilé, et j'ai versé du laxatif partout. Mais j'avais une bonne raison. Mais bien sûr. Depuis le début de l'été, mes parents m'ont privé de viennoiserie. Et à force de voir tout le monde se régaler autour de moi, j'ai décidé de me venger. Mais les habitants du village ne t'ont rien fait, et encore moins Emilia. Pourquoi tes parents ont fait ça? Ça vous regarde pas. Je crois que si. Il fixa ses pieds. Une énorme perle de sueur roula sur son front. Vous allez vous moquer. On te promet que non. Croix de bois, croix de fer, si on ment, qu'on se sens en pomme de terre. Mes parents me trouvent trop gros. Ces mots me pincèrent le cœur. C'est vrai qu'ils tenaient plus de la paupiette que du fil de fer, mais quand même. Arthur et Iliès me regardèrent en haussant les épaules. Les gars, réunion de crise. Ne bouge pas, hein, on revient. Il ne risquait pas, il était totalement abattu. Lui, le roi des mauvais. On s'écarta de quelques mètres seulement pour définir la meilleure manière de régler ce souci. Quand on revint sur le chef des Roitelets, ce dernier nous fixa de ses yeux pleins de larmes. Vous allez me dénoncer? Oh que non. Mais il y a les enregistrements vidéo. Quelque chose me dit que la police aurait quand même du mal à s'identifier. Mais vous avez réussi à me reconnaître. Et on ne dira rien. À condition que t'ailles écrire une lettre d'excuse en joignant l'arme du crime, ton flacon de laxatif. Ouais, tu vas écrire un courrier où tu vas raconter tout ce que tu nous as avoué. Sans dire qui tu es. Comme ça, Emilia sera innocentée et toi tu pourras finir ton été tranquillement. Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que notre trio deviendrait sans notre aide mesurée? En fait, on avait de la peine pour lui. Mais il aurait pris ça pour de la pitié. Le mensonge d'Arthur fit pouffer le chef des Roitelets. On l'aida à écrire le mot d'excuse, que l'on glissa dans une enveloppe avec le flacon, avant de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. Le lendemain matin, tout le monde au village allait déjà mieux. Dans la gazette, on pouvait lire « Sauvé de l'hécacatombe ». Après une terrible journée coincée au cabinet, Notre village a été soulagé grâce à une lettre anonyme envoyée à Monsieur le maire avec un flacon de laxatif. Le mystérieux auteur a reconnu avoir versé le contenu dans la farine de notre pauvre boulangère. Le mobile ? Une obscure jalousie culinaire que le responsable affirme avoir surmontée. Il n'a pas oublié de s'excuser platement d'avoir troublé notre tranquillité et a juré de ne plus jamais recommencer. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est ce qu'on dit, mais pourquoi cette expression ? Se vérifie-t-elle tout le temps ? Et si une simple petite hirondelle partie en Afrique pour passer l'hiver au chaud bousculait le fameux dicton en rejoignant plus tôt que prévu un enfant devenu son ami ? Toute l'année, dans le Happy Meal, découvrez la collection de livres pour enfants « Il était un dicton » écrit par Éric-Emmanuel Schmitt et illustré par Caroline Piochon. En ce moment, Une hirondelle ne fait pas le printemps ou deux autres livres au choix. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voir le livre du moment en restaurant. Allô Cédric ? Ouais, c'est Roman. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a enfin fini la progrès de l'été du podcast et je peux t'assurer que ça va être génial. Et tout est bouclé ? Expo, table ronde, masterclass, battle, live, avant-première, la scène stand-up ? Et même les mashups de podcast. Et tout le monde sera là. Marine Baousson, Canoubis, Pénélope Boeuf, Binge, Jules Lavie, Les Baladeurs, Mathieu Genel et Lorraine Bastide ? Exact. Manifesto 21 et Nick La Radio aussi ? Affirmatif. Et même Najat Vallaud-Belkacem ? Et oui, tu peux retrouver tous les noms et détails sur notre Insta, @acastfr, ou sur le compte du festival, @l'été du podcast. Génial. On se voit sur 3 semaines à partir du 26 août, au Grand Contrôle alors. Hâte, bisous.